Chapitre 2. Lilian Dudley et son soupirant. Les deux hommes en étaient là de leur entretien quand soudain la porte de la cabine s'ouvrit, livrant passage à une adorable blonde platinée qui, un rire clair et frais aux lèvres, s'écriait « Comment, père, tu étais là? Et on te cherche partout pour faire le quatrième à notre bridge habituel. » Un élégant jeune homme l'accompagnait, et tous deux, brusquement, demeurèrent interdits en voyant que John Dudley avait un visiteur chez lui. « Ma fille, Lilian, » présenta le milliardaire, et désignant son compagnon, le marquis Luciano Santonelli. Puis tourné vers eux, il ajoutait « Mon vieil ami, le colonel Charlie Mitchell. » Celui-ci serra d'un vigoureux shake-hand la main que lui tendait la jeune fille et d'un discret coup de tête s'inclina devant le marquis. « Mitchell, » expliqua Dudley, « est un ami de très ancienne date. J'ignorais sa présence à bord du même bateau que nous, et il a fallu qu'un coup de roulis nous fît tomber dans les bras l'un de l'autre, pour nous reconnaître après des années de séparation. Et tout en fumant un cigare ici, nous avons un peu bavardé. « Oh, en ce cas, » interrompit Lilian, « inutile de penser au bridge, nous vous laissons. » Le colonel se récriait, assurant qu'il ne voulait en rien être un trouble fait et empêcher la partie. « Laissez donc, » repartit le milliardaire, « le bridge se joue très bien à trois, et ils se passeront aisément de nous, ces amoureux. » Les lèvres de la jeune fille se plissèrent imperceptiblement d'une petite moue qui ne devait point échapper pourtant au colonel. « Voilà une petite, songea-t-il, que l'amour ne doit pas beaucoup tourmenter. » Mais déjà la physionomie de Lilian avait changé, et lui adressant un gracieux sourire, elle s'éloigna. « Allons, venez, Luciano, » fit-elle en le bousculant quelque peu. Mitchell avait eu le temps d'examiner rapidement Miss Dudley. Il la trouvait jolie comme savent l'être les jeunes américaines quand elles se mêlent d'être jolies. Rien des beautés de l'écran au sourire stéréotypé, ni celle qui soigne la pose pour l'objectif, mais une délicieuse Yankee girl, bien balancée et qu'on devinait fervente de tous les sports, sans exagération ni outrance aucune. La porte de la cabine refermée sur le jeune couple, il ne put s'empêcher de complimenter Dudley sur sa fille. Le père était visiblement heureux. Son visage pourtant s'assombrit légèrement et il assura que la Danny girl lui causait bien du souci. Le colonel manifestant son étonnement, Dudley n'hésita pas à donner quelques explications. Il avait rêvé pour Lilian, sa fille unique, d'une union grâce à laquelle le grand nom de son mari lui ouvrirait sans peine les salons de la haute société aristocratique. Les millions du père Dudley furent oubliés ainsi qu'ils avaient été gagnés par l'un des rois des conserves alimentaires. Lilian, elle, se montrait rebelle aux idées de son père. Un mariage où l'argent paternel servirait à acheter le nom et le titre dont elle s'affublerait comme le jet qui se pare des plumes du paon ne lui convenait nullement. Et elle n'avait pas manqué de dire sa façon de penser quand, après avoir longtemps cherché, son père lui avait annoncé avoir trouvé l'oiseau rare dans la personne du marquis Luciano Santonelli, issu d'une très ancienne et très noble famille italienne. À vrai dire, le jeune aristocrate n'était pas de ces gentils hommes ruinés en quête de riches héritières d'outre-Atlantique. S'il avait mené la vie agrandie dans les principales capitales de la vieille Europe, il avait su se remonter par d'heureuses spéculations et pouvait ainsi faire bonne figure. C'était là surtout ce qui lui avait gagné l'estime de John Dudley. Le milliardaire aimait les audacieux. Il n'avait aucune raison d'ailleurs de s'en cacher à son vieil ami. Sans être en possession d'une très grosse fortune, tout le monde ne peut pas être milliardaire, le marquis Santonelli avait de quoi tenir son rang et fréquenter la plus haute société cosmopolite. Il se rendait en outre sympathique dans le monde, se montrait élégant cavalier, fin causeur, était fort bel homme, un charmeur en un mot. Alors, que pouvait bien avoir Lilian pour se montrer rebelle à devenir marquis Santonelli? Caprice de petite fille, conclut Dudley avec un haussement d'épaules. Peut-être a-t-elle quelque autre amour en tête, hasarda le colonel. Le cœur des femmes est ainsi fait qu'il est totalement insondable. Laissez-moi donc tranquille, reprit Dudley. S'il en était ainsi, il y a longtemps que je saurais qu'elle a un flirt. Non, Lilian s'est butée à l'idée de ne pas épouser un étranger. Mais moi, de mon côté, je suis bien résolu à la voir devenir un jour marquis Santonelli. C'est du reste dans ce but que j'ai décidé de faire ce voyage dans le vieux monde en invitant Luciano à nous accompagner. C'est la seule façon d'arriver à ce que les deux jeunes gens se connaissent davantage, c'est-à-dire à mieux s'apprécier. Mon premier soin sera de faire l'acquisition d'un yacht. Nous ferons une croisière sur la riviera italienne et le marquis nous servira de cicérone, comme bien vous pensez. Je ne dis même pas que je ne me rendrai pas acquéreur de quelque palais médiéval ou autre. Je le ferai restaurer, confortablement aménagé, luxueusement meublé, et y recevrait des invités de choix, de ceux qui comptent les uns dans l'armorial de la noblesse italienne, les autres dans les colonies américaines ou britanniques venant hiverner en Italie. « Je vois, » coupa le colonel avec une pointe d'ironie, « que si Miss Dudley ne s'enthousiasme pas pour le marquis, vous, par contre, vous êtes engoué de lui au premier chef. » Puis, sans paraître d'y attacher plus d'importance, il ajouta, « Il y a longtemps que vous le connaissez. » Le milliardaire eut un instant d'hésitation avant de répliquer, « Non, quelques mois au plus. Il me fut présenté comme invité à mon cercle, le Grid Iron Club, un jour que les membres y donnaient une fête. Je me pris d'amitié pour lui dès notre première rencontre, si bien qu'avec un de mes amis, nous lui servîmes de parrain pour le faire recevoir au cercle. Nous nous sommes liés ensemble depuis, et à chacun de ses voyages, il n'a jamais manqué de venir me rendre visite dans ma résidence de Madison Avenue. « À chacun de ses voyages, dites-vous ? » interrompit le colonel. « Oui, le marquis s'absente fréquemment. Que voulez-vous ? Ses affaires de spéculation l'appellent souvent à Londres, Paris, Rome, ailleurs encore. Oui, oui, j'entends bien. » Le marquis Santonelli a plutôt l'âme vagabonde. Enfin, du moment que vous le tenez en haute estime, Dudley, c'est sûrement qu'il le mérite, car je ne doute pas que vous sachiez juger un homme, un psychologue averti. Aussi, ne puis-je que vivement souhaiter de voir votre charmante fille revenir au plus tôt à de meilleurs sentiments envers lui. Oh, les femmes sont tellement obstinées, vous savez. Hé, elles ont parfois de bien étranges intuitions, mon cher ami. Ce qui, je m'empresse d'ajouter, ne saurait être le cas pour ce cher marquis, j'en suis bien certain. » Mitchell s'est élevé sur ces derniers mots et proposa. « Mais si nous allions rejoindre Bridger, qu'en pensez-vous ? À bavarder ainsi, je vous ai privé de votre partie accoutumée. J'ai idée que Miss Dudley ne me pardonne pas de vous avoir empêché de faire le quatrième au bridge. » Les parties étaient fortement engagées quand ils firent leur apparition au sein des premières, où les joueurs étaient groupés par petites tables, se livrant à leur passe-temps favori. À l'une d'elles se trouvaient Lillian et le marquis, ainsi qu'un troisième bridger. « À la bonne heure, colonel, » fit Miss Dudley en riant. « Vous nous amenez enfin papa. » Et comme le milliardaire venait de s'asseoir à la table de jeu, Santonelli fit mine de se lever pour céder sa place au colonel. « Non, non, » remercia aussitôt ce dernier. « Restez, je vous en prie, jamais je ne joue. » « La conséquence d'un vœu ?» laissa tomber l'Italien en esquissant un sourire légèrement ironique. Mitchell le fixa d'un regard perçant et se borna à répondre « Les cartes ne m'ont jamais attiré, mais j'aime à regarder jouer, cela me suffit. » Il fit lentement le tour de la table, jeta un coup d'œil aux cartes que chacun tenait en main, puis s'arrêta derrière Dudley qui faisait vis-à-vis au marquis. Le salon, à cette heure, n'était pas encore éclairé pour le soir, mais placé comme il l'était, le colonel pouvait examiner tout à loisir le visage de Santonelli qu'éclairaient de petites lampes posées sur la table. Tamisé par des abat-jour d'un rose opaque, la lumière en creusait les traits de bizarre relief qui leur donnait un aspect tourmenté qu'autrement ils n'avaient jamais. Car il est juste de reconnaître que la physionomie très caractéristique de l'Italien était empreinte d'une malbeauté bien faite pour plaire aux femmes. Gagné par la sympathie qu'inspirait, dès le premier abord, ce visage aristocratique, le colonel en arrivait même à se demander comment la jolie Liliane avait pu ne pas se laisser prendre au charme qui s'en dégageait. Malgré lui, pourtant, Mitchell ne pouvait se défendre de cet instinctif sentiment de méfiance qu'il avait fréquemment éprouvé au cours de sa longue carrière policière. Il s'était bien des fois trouvé devant des faces aux traits impénétrables, ou feignant de vouloir lui donner le change, toujours une secrète intuition le mettait sur ses gardes. D'où venait que ce noble Italien, tenu par Dudley en si haute estime, lui inspirait ce curieux sentiment d'incertitude ? Avait-il été influencé par cette sorte de sourde hostilité dont Liliane faisait preuve à l'endroit de son soupirant? Il chercha à se raisonner, mais en vain. Il le scrutait attentivement, sans qu'il y parût, tandis que la partie se poursuivait et put se rendre compte ainsi que Luciano Santonelli était joueur dans l'âme. Tout l'indiquait, ne laissant aucun doute à cet égard. Son teint légèrement bronzé, sa chevelure d'un noir de jais, naturellement ondulée, bouclée, lui donnait un cachet de transtévérin qu'on rencontre dans certains portraits des anciens maîtres. Les cartes qu'il tenait maintenant en main ne devaient point lui être favorables car il eut une imperceptible crispation des lèvres, ses yeux s'assombrirent et machinalement, d'un geste nerveux, il releva l'une de ses boucles qui, en retombant, l'agaçait. Ce ne fut que l'affaire d'une seconde et déjà, de ses doigts fébriles, il la remettait en place. Mais ce très court instant avait suffi pour que le colonel aperçût l'extrémité d'un trait rouge qui, au-dessus du sourcil, semblait rompre la surface lisse et parfaitement nette du front. Cet infime détail ne l'eût peut-être pas frappé si le marquis n'avait mis autant de rapidité à réparer ce si léger désordre de sa coiffure au point d'oublier d'annoncer ses cartes, faute impardonnable pour un bon joueur. Charlie Mitchell demeura impénétrable. Impassible et paraissant ne s'intéresser qu'à la partie, il cherchait que les souvenirs pouvaient bien lui rappeler ce simple geste pour qu'il se fût ainsi gravé dans sa mémoire. Soudain, certains propos que lui avait tenus le receleur de New York lui revint à l'esprit. Dans le signalement très succinct qu'il avait donné de l'homme venu lui vendre certains bijoux dérobés à Lady Desmond, le fourgue n'avait-il pas mentionné un geste en tout point semblable à celui que venait d'esquisser le marquis ? Un geste qui devait empêcher de remarquer une cicatrice ancienne séparant son front. Malgré tout son flegme, le colonel eut peine à dissimuler sa stupéfaction. Se pouvait-il vraiment qu'il eût là devant les yeux le voleur de Berkeley Square ? Que le marquis et lui fussent un seul et même personnage ? Il repoussa tout d'abord cette absurde idée qui, telle une hantise, lui revenait inlassablement en tête. Et pourtant, comment croire que John Dudley ait pu se laisser aussi puérilement duper par ce noble Italien qu'il n'hésitait pas à envisager comme son futur gendre ? Cela dépassait vraiment les bornes. Malgré tout, le colonel décida de surveiller de près Luciano Santonelli pendant les quelques jours qu'il restait encore à voyager de compagnie sur le Berengaria.